Viens voir baby, je sais que ça démange. Comme Balotelli, je sais que je dérange. Communautaire, un peu comme l'étanche. Le rêve des diables, c'est le cauchemar des anges. Dieu soit loué, mais les corbières s'achètent. La raison de l'appel, la folie de la gâchette. Et une pour mes gars qui protège ma tête. Mini bidi bidoir que je suis pas bête. T'es bien parti, mon verra à la fin. Si tu me carottes, je te mettrai à la pin. Je suis l'artiste que veut être. Si t'es poète, te frotte pas au mec chaud. Si t'as peur du soleil. Casquette baissée, toujours au quartier. Trahi par le regard d'un mec qui souffre. Qu'on m'aime, qu'on me déteste. Moi, je les mépris tous. Ratata, c'est le bruit de pitless. Rêve d'un insomniaque, faire une petite tête. Bébé dans le cul sec, coke dans la poussette. Faut que les petites gueules, des fois les plus faibles. You know, girl, dis-moi si tu m'aimes un petit peu. Je suis un pompier pyromane, clé ta vêtue. On verra pas de des rappeurs comme moi. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. C'est sûrement à cause de la beuh, mais faire perdre la mémoire. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. Oui, t'en verras jamais deux, des rappeurs comme moi. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. C'est sûrement à cause de la beuh, mais faire perdre la mémoire. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. C'est en frôlant la mort qu'on a fini par vivre. Rio de Kenshin, New Barbie. J'ai vécu ici mais je mourrai là-bas. Quand il y a des embouteillages, laisse pas pousser la barbe. Même sans mélodie, j'ai l'air triste. Je peux faire danser doré. Le silence est le plus beau des mépris. Si la suite ma mère, je pourrais plus l'ignorer. On a baisé toute ta team devant ta time out. Si ma vie drive, c'est Simi Winehouse. Change de département, t'assumes pas le comportement de sa cageur d'appartement qu'il n'y a ma mouth. Clac, clac et baby, ils le feront pas. Personne m'approche, ils le trompent pas. Amour plus haine égale adultère, mais y'a des sentiments qui ne trompent pas. Frère, au square, puis dans le noir. Faut que l'amour bute ton ex si tu veux de moi. Si t'es comme moi, tu feras neuf à baby. Calibré dans le noir, cherche une lueur d'ennemi. Même quand je suis en couple, moi je me sens solo. Négro dur à suivre, mais facile à follow. T'en verras pas de des rappeurs comme moi. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. C'est sûrement à cause de la beuh, mais faire perdre la mémoire. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. Oui, t'en verras jamais deux, des rappeurs comme moi. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. C'est sûrement à cause de la beuh, mais faire perdre la mémoire. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. Calibre à la main, les frères sont armés devant la banque pour investir dans la plaque. Et même tout cacher dans la plaque, c'était même dans la tête. Pour tout vendre dans la tête, sont jamais passé par la deck, jamais passé par la lèche. Oh. Prince du hardcore, te mets d'accord, perds la raison à force d'avoir tort. La buffée pas le moine, et puis te déguise. Je connais mes droits, les keufs les négligent. Oh. T'en verras pas deux, des rappeurs comme moi. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. C'est sûrement à cause de la beuh, mais faire perdre la mémoire. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. Oui, t'en verras jamais deux, des rappeurs comme moi. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir. C'est sûrement à cause de la beuh, mais faire perdre la mémoire. J'ai plus peur du diable à force de marcher dans le noir.